Le représentant coréen a prononcé le 11 courant, le discours, lors de la discussion du point de l'ordre du jour Progrès des femmes à la session du 3e comité de la 71e Assemblée générale de l'ONU. Il a dit que le gouvernement coréen prend sans cesse des mesures pratiques juridiques pour que les femmes exercent suffisamment leurs droits dans tous les domaines de la vie sociale avec les mêmes droits que les hommes. Il a ajouté que les crimes de l'esclavage sexuel au service de l'armée japonaise du passé sont les crimes ultra-géants contre l'humanité que le Japon a commis à l'époque de la Seconde Guerre mondiale en faisant de beaucoup de femmes de divers pays et régions de l'Asie et du monde, notamment 200 000 femmes coréennes esclaves sexuelles au service de l'armée japonaise, tout en violant leurs droits humains. Il a souligné que le Japon ne peut jamais échapper à la responsabilité juridique des crimes de l'esclavage sexuel et doit reconnaître au niveau d'État et juridiquement sa responsabilité des crimes du passé, selon la demande de la communauté internationale, présenter ses excuses et faire les indemnités. Il a continué que l'ONU doit mettre en cause les crimes terroristes ultra-géants des autorités sud-coréennes qui ont kidnappé collectivement en plein jour nos citoyennes et refusé la demande humanitaire élémentaire pour rendre publique leur situation et les renvoyer. Finalement, il a demandé à l'ONU de traiter officiellement les crimes des autorités sud-coréennes contre l'humanité et prendre des mesures pour faire renvoyer immédiatement nos citoyennes à leurs parents.